Ma cousine Jane, de Julia Cavanagh. Chapitre 1er. Quand ma cousine vint un beau matin me dire du petit air gauche qui lui était particulier, « Cousin William, M. Forbes a demandé ma main, et j'ai dit oui. » Je pensais qu'il fallait que je fusse un bien vieux cousin, un cousin ne comptant plus du tout aux yeux d'une jeune fille, pour qu'on me jugeât digne de recevoir le premier une pareille confidence. Cette nouvelle me fit plaisir et chagrin tout à la fois. Plaisir par la raison qu'il s'agissait d'un excellent parti, chagrin parce que je songeais que M. Forbes allait emmener notre Jane. Ce que c'est que l'égoïsme. Jamais je n'aurais eu l'idée de l'épouser moi-même. Cependant, il me déplaisait qu'un autre l'épousât. Je dois dire à ma louange toutefois que le plaisir surpassa le chagrin. Aussi fus-je très sincèrement que je félicitais ma petite cousine de sa bonne fortune. C'en était une en effet. Monsieur Forbes, quoique veuf, ne comptait pas encore 30 ans. Il avait bonne mine et pouvait passer pour un homme accompli. Il était riche, il habitait à proximité de Londres une résidence charmante. Bref, c'était un mari à ne pas dédaigner, pour Jane surtout, qui ne possédait ni sou ni maille et qui devait à la générosité de mon père jusqu'à la petite robe qu'elle portait. Non que mon pauvre père s'en fît valoir. Jane était son idole. Au fond, il tenait M. Forbes pour un heureux mortel d'avoir su s'emparer de ce trésor. Jane était donc venue m'apporter la grande nouvelle au jardin, où nous causâmes sous une tonnelle. Elle était là, nue-tête, devant moi, l'air modeste, le teint animé, avec une douce flamme dans le regard. Jamais depuis qu'elle était au monde, je ne l'avais trouvée aussi bien, car, soit dit en passant, Jane n'était pas jolie du tout. Non que personne se fût avisé de la juger laide ou même commune, mais la beauté lui faisait totalement défaut. Cela nous frappait d'autant plus que les jolies filles abondaient dans nos environs. Elle avait une tournure élégante, de la grâce, une voix sympathique, le regard aimable, voilà tout. Elle était encore bonne, adroite, gaie, bien élevée, mais d'une déplorable timidité devant les étrangers, et cette timidité était assurément la seule chose que M. Forbes eût pu constater chez elle. Il l'avait vue une douzaine de fois tout au plus, et il fallait qu'il fût singulièrement physionomiste s'il avait découvert ses qualités en quelques courtes visites. « Comme vous avez bien caché votre jeu, » dis-je à la petite. « Non, William. Pour ma part, je n'ai aucune dissimulation à me reprocher, je t'assure, » répondit-elle d'un air pénétré. « Je ne me doutais pas que M. Forbes eût pareille idée avant qu'il ne m'en eût parlé l'autre jour. « Mais tu n'as pas dû dire oui comme cela tout de suite, Janet. « Oh, je n'ai rien dit du tout, j'étais trop troublée. Je n'aurais pas eu même assez de présence d'esprit pour demander quelques jours de réflexion. C'est lui qui a pensé. » Il était clair que Jane n'éprouvait point pour son futur mari une inclination bien vive, et j'aurais été surpris qu'il en éprouvât davantage pour elle. Je les avais vus ensemble la veille, M. Forbes m'avait paru être extrêmement calme. « Sais-tu, cousin ?» reprit gaiement Jane, me regardant bien en face. « Sais-tu qu'il faut que je sois après tout une très séduisante personne, quoique nous ne nous en soyons jamais doutés ?» Je ne suis pas belle, j'ai 23 ans sonnés, je n'ai pas de dot, et pourtant j'ai tourné la tête d'un homme qui n'avait que l'embarras du choix. « Comment sais-tu que tu lui as tourné la tête ?» demandai-je. Je regrettais vite cette indiscrète question, mais par bonheur Jane ne fit qu'en rire. « Pourquoi voudrait-il m'épouser s'il en était autrement ?»« Tu as raison. Et toi, naturellement, tu te trouves un peu dans la même situation à son égard. »« Eh bien non, » répondit-elle d'un air grave. « J'admire M. Forbes et je lui sais gré de son affection. J'ai beau toutefois être convaincu qu'il me rendra heureuse, je ne suis pas ce qui s'appelle les prises, mon cousin. Il faut croire que ce n'est pas dans mon tempérament. » Là-dessus, elle poussa un léger soupir de l'air d'une vieille fille qui, en disant adieu à l'amour et à ses fiévreux entraînements, a conscience de sa sagesse, mais qui regrette d'en avoir autant. Jane était charmante quand elle se livrait à ces petites boutades qui tempéraient son bon sens et le rendaient supportable. Le bon sens tout seul est parfois si maussade. Je comprenais qu'un homme pût en être charmé, mais M. Forbes ne l'avait jamais vu dans ce rôle. Il fallait néanmoins qu'elle lui tournât la tête, comme elle disait, sinon pourquoi, en effet, aurait-il voulu l'épouser? Si l'impatience doit être considérée comme une preuve d'amour, M. Forbes était amoureux. il voulait tout terminer en un clin d'œil. Aussi parut-il mécontent quand Tante Marie, qui avait chez nous la direction de la maison, lui opposa l'usage, les convenances, etc. Il céda toutefois et continua de faire sa cour, ce qui me permit de constater bien des choses qui ne me plaisaient qu'à demi. Jane était assez naïve pour trouver parfaite l'attitude de son prétendu. Je jugeais, moi, cette attitude tout différemment. Certes, il s'acquittait en conscience des devoirs de la situation, mais quand je me rappelais le temps où j'avais été amoureux pour mon propre compte, le temps déjà lointain où je faisais la cour à Grace Hanley, je me rendais compte que c'était tout différent. Ainsi, par exemple, jamais je ne surpris M. Forbes adressant à Jane un de ses regards langoureux qui m'avait rendu, moi, si ridicule. Jamais, quoi que pût faire ma petite cousine, je ne le vis transporter au septième ciel, ni plonger dans un abîme de désespoir. Chose plus significative encore, pas une fois, il ne parut chercher à se trouver seul avec elle, d'où il me fallut bien tirer la fâcheuse conclusion que mon futur cousin avait beau être l'homme le plus accompli du monde, il n'avait absolument rien à lui dire. Je ne pus m'empêcher de songer, en contemplant le jardin, du haut de la fenêtre à laquelle nous étions accoudés tous les deux, que l'horizon allait singulièrement changer d'aspect après le départ de cette bonne petite âme. Ses chansons n'égayaient plus dès l'aube les bosquets qu'elle traversait en sautillant avec la légèreté d'un oiseau. Je ne l'apercevrais plus à travers les arbres, lisant sur un banc de verdure. Je n'entendrai plus le froufrou de sa robe, ni le bruit de son petit pas vif et décidé sur le sable des allées. Avec elle allait s'envoler la gaieté inséparable de la jeunesse. Elle devait partir, d'abord pour Londres, avec ce glaçon qu'on appelait M. Forbes, et après son voyage de noces, elle irait se fixer pour toujours loin de nous, dans la maison de son mari. De telles pensées n'étaient rien moins qu'agréables. Aussi fût-ce avec un soupir que je lui dis « C'est donc demain que tu t'en vas ?» « Oui, » répondit-elle à mi-voix, « j'ai peine à y croire jusqu'à présent. »« Allons donc, » repris-je avec un peu d'humeur. « Tu en es enchanté, et je suis bien sûr que tu adores ton Monsieur Forbes. »« William, » répliqua-t-elle, prenant un de ses petits airs graves, « cela te paraîtra singulier, mais le fait est que je suis au même point que l'autre jour, malgré tous les soins de mon fiancé. » Monsieur Forbes avait offert une corbeille magnifique, c'était incontestable, mais de petits soins je n'avais pas vu l'apparence. « C'est très mal à moi, » continua la pauvre Jane d'un ton convaincu, « mais qu'y faire ? Ma foi, je l'ai dit franchement l'autre jour ce que j'éprouvais. Tu plaisantes ? » m'écriai-je stupéfait de l'aveu d'un acte de conduite aussi intempestif. « Je parle très sérieusement. Même il m'a répondu que cela importait peu, que je ferais quand même une excellente maman pour son fils. » J'étais confondu de voir tant de simplicité d'un côté et une pareille indifférence de l'autre. Décidément, M. Forbes n'aimait pas Jane plus qu'elle ne l'aimait lui-même. Mais alors, pourquoi diable l'épousait-il? Où donc prenait-il cette assurance des sentiments maternels que devait avoir sa seconde femme pour son petit garçon? Jane n'avait pas l'habitude des enfants. Elle les aimait assez, je le veux bien. Néanmoins, il y avait loin de là à la passion désordonnée que déployait naguère la belle Grace Hanley pour les marmots les moins appétissants. De ce côté, sans doute, c'était une ruse de coquette comme tout le reste. Quelle coquette que cette Grace Hanley! Cela n'empêche pas que j'ai eu mon tour. Tout dernièrement, j'ai revu ma nymphe, qui a aujourd'hui nom Madame Grant, et j'ai constaté que Grace, ce sylphe, avait pris un respectable embonpoint. Pour revenir à Jane, je ne sais plus au juste ce que je lui répondis. Sans doute quelques lieux communs sur l'inutilité de l'amour dans le mariage, qu'elle reprit avec son imperturbable sérieux. « C'est précisément mon avis, William. D'autant plus, vois-tu, que, sentant ce qui me manque, je suis résolu à faire tous mes efforts pour donner à M. Forbes des compensations que je ne lui aurais pas dues, si j'avais mieux répondu à ses sentiments. » Elle soupira. Peut-être la perspective de ce qu'elle avait à faire pour arriver au degré de perfection qu'elle se proposait d'atteindre effrayait-elle un peu son jeune courage. Tante Marie entra sur ses entrefaites et sa présence mit fin à notre entretien. Je sortis pour fumer un cigare et jusqu'au lendemain je ne revis plus la pauvre fillette. Jane se montra tout à fait à son avantage en costume de mariée. Elle paraissait jolie, ma foi, et même heureuse. Monsieur Forbes, élégant et beau comme toujours, était peut-être un peu pâle. Bien qu'il se fût tiré avec une aisance parfaite de l'ennuyeuse cérémonie, il sembla soulagé d'un grand poids quand tout fut fini et reçut nos félicitations avec une satisfaction visible. On déjeuna tard. À table, il me parut préoccupé. L'air agité de Jane ne m'échappa point non plus. Cependant, je n'en tirai aucune conséquence jusqu'au moment où elle vint me rejoindre dans la bibliothèque pour me dire adieu. Mais là, quand au lieu de me tendre amicalement la main, elle se jeta brusquement à mon cou et fondit en larmes, je commençai à m'alarmer tout de bon. « Jane, ma chère enfant, que t'arrive-t-il » dis-je avec inquiétude. « Il faut donc que je parte » sanglota-t-elle. « Oh, mon cousin !» Elle fut incapable d'en dire davantage. Partir ? Mais il y avait longtemps qu'elle devait y être préparée, et ce n'était pas l'idée de cette séparation qui pouvait lui causer un pareil désespoir. Somme toute, je ne pus rien tirer d'elle, d'abord parce qu'elle ne voulait pas parler, et en second lieu parce que le temps manquait pour la confesser. Déjà on l'appelait de tous côtés. « je viens !» cria-t-elle en s'arrachant à mon étreinte et en affectant une voix enjouée. Je la suivis. Monsieur Forbes l'aida gracieusement à monter en voiture, se plaça auprès d'elle, et tout fut dit. Ma petite cousine Jane, Madame Forbes maintenant, était perdue pour nous.